Sébastien, 27 ans, chef de centre Carglass. Regardez ce client, il avait un impact sur son pare-brise, ça ne le gênait pas. Et hier, il rentre dans sa voiture garée en plein soleil, il faisait une chaleur, il met la clim à fond, et là, deux minutes après, crac, son pare-brise complètement fissuré. Normal, un pare-brise au soleil, ça chauffe un maximum. Quand on met la clim, on envoie de l'air très froid, et ça fait un gros écart de température sur le verre. Et comme il est fragilisé par un impact, alors il a de grandes chances de se fissurer. Bien sûr, on lui a remplacé son pare-brise, on en change plus d'un demi-million par an. Côté service, il était hyper content. Mais il a regretté, il aurait pu éviter de payer la franchise en venant nous voir avant, avec son impact pas encore fissuré. Et oui, il était plus petit qu'une pièce de 2 euros. On pouvait le réparer sans changer le pare-brise. On injecte notre résine dans l'éclat et le pare-brise retrouve sa solidité. En plus, l'intervention est plus rapide. Et avec une assurance brise-glace, pour une réparation d'impact, le plus souvent, ça ne coûte rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. Monsieur, vous avez choisi une Mobicard de 50 euros. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ? Parce que je suis une personne extrêmement mesurée. Mes paroles sont toujours savamment dosées. J'en dis ni trop, ni trop peu. Merci, c'est très clair. De par le fait, oui. Un dernier mot, peut-être ? Ni plus, ni moins. Que vous parliez un peu, que vous parliez beaucoup, il y a forcément une recharge qui vous ressemble dans la nouvelle gamme Mobicard. Nouvelle gamme Mobicard, un choix de 10 recharges de 10 à 100 euros. Et de 21h à 8h du matin, ainsi que tout le week-end, la minute vous coûte jusqu'à deux fois moins cher. Orange. Orange de France Télécom. Condition au 0800 830 800. L'ombre du corbeau plane toujours et le destin s'acharne sur les soubérants. Quelqu'un en a après moi et après ma famille. Qu'est-ce qu'il a fouiné comme ça? Mais c'est pas possible, tout a été dit il y a 7 ans de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut trouver, lui? Alors fous-lui la paix, bordel, maintenant c'est ma femme. Personne n'est à personne, mon pote. Toutes les familles ont leurs secrets. Un été de canicule, votre saga, ce soir sur France 2. Venez les copains, tapez les mains, oui. On va faire le twist. C'est le nouveau rock. Rien n'y résiste. N'hésitons pas, faites comme moi. Tu vis bien mes pas. Rythme le twist, oui. Dans le voilà, la main là. Et tu t'y prends bien. Continue comme ça. Un tour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sur mon cœur. Et rythme le twist. Yeah. Un tour de bien, oui. Dans le twist, yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur va pour toi, yeah, twist, ouais, ouais. Twist, baby. Rythme de twist, ouais, donne-moi la main là, yeah, tu t'y prends bien, continue comme ça. À tour autour de moi, balance encore tes bras, et bien sur mon cœur, et rythme le twist, yeah, à tour le bras, oui, tourne bien encore, oui, en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là, tout en rythme le twist, yeah. Le twist, frappe tes mains, ouais, brûle la piste, c'est mieux que bien. Après le twist de Johnny, quelques vacances avec les Bee Gees, Holiday sur Nostalgie. Ooh, you're a holiday, such a holiday. You're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Oh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. Put the soft pillow on my head. Millions of eyes can't see. Yet why am I so blind? When there's someone else's mean, it's unkind. It's unkind. Dee dee dee dee dee dee. Someone else is me. It's a

Nostalgie, la légende s'écoute en deux versions. Vous connaissez cette chanson ? J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour. Après la version française, Nostalgie vous offre la version originale. Nostalgie présente les journées ateliers du Cirque d'hiver Bouglione. Le plus célèbre des cirques s'ouvre aux visiteurs. Visite guidée à travers plus de 150 ans d'histoire. Les mercredis, jeudis et vendredis, initiation des enfants aux diverses disciplines du cirque. Assister à leur épanouissement et à l'acquisition du contrôle et de l'assurance, au trapèze, jonglage, fil, diabolo, maquillage de clown et à bien d'autres activités. Les journées ateliers du Cirque d'hiver Bouglione, renseignements au 01 49 29 09 78. Pour la rentrée, Franck passe en 5e et moi, je passe chez Alinéa. Du 6 août au 16 septembre, c'est un bonheur d'aller chez Alinéa. Le bureau grand angle à seulement 169€. Le lit haut Tibet en pain massif blanchi à 285€. Et pareil pour la déco. La lampe du bureau suite à 7,50€ et les paniers de rangement Kobo à partir de 10€. Réussir sa rentrée, ça passe par Alinéa. Alinéa, grand espace, meubles et déco. Centre commercial 14e avenue, Zac de la Patte d'Oie, Herblay, du lundi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 10h à 20h. Cet été, avec TV Braise, plongez dans l'ambiance des plus grands festivals de Bretagne. Le festival interceltique de l'Orient, les Vieilles Charrues, le festival de Cornouailles, le festival du bout du monde et bien d'autres encore. Il y en a pour tous les goûts. TV Braise vous donne rendez-vous chaque week-end à 20h45 pour une grande émission spéciale et tous les lundis à 19h20 pour le journal des festivals. Cet été, venez faire la fête sur TV Braise. TV Braise est disponible sur Canal Satellite, TPS et le câble. Envoyez dès maintenant et de n'importe quel portable le mot RDV au 61900 et rentrez en contact direct avec des nanas et des mecs près de chez vous pour dialoguer non-stop. C'est l'été, laissez-vous tenter au chat par SMS. N'oubliez pas, RDV au 61900, c'est le meilleur service de dialogue par SMS. À vous de juger. RDV au 61900. CVC 35 centimes par envoi plus coopérateur.

tiendra chaud le temps qu'il me reste. J'ai la gueule trop pâle qui rêve de lune et d'étoiles. Cette fois-ci je mets les voiles, je dis bon vent. Peut-être à demain. N'oubliez pas frangin. Je change de chemin. Je change de beau temps. Voilà une façon tout à fait agréable et musicale pour changer d'horizon. Je pars, c'était Nicolas Perrac sur Nostalgie. Velouté Fouix, à votre écoute. Bonjour. Bonjour. J'appelle à propos de votre nouveau velouté Fouix en bouteille. Ouais. Mon grand frère a dit que ça doit pas être super. Et moi je lui ai parié le contraire. Mais oui, le nouveau velouté Fruix en bouteille, c'est le nouveau yaourt de Danone aux bons fruits mixés qui se boit au verre et avec de bons fruits, c'est délicieux. Ouais, perdu Grey, tu m'en dois 10 bouteilles. Nouveau velouté Fruix en bouteille de Danone, le yaourt aux fruits mixés qui se boit au verre. Existe à la fraise, à la framboise et à l'abricot. Monsieur, pourquoi avez-vous choisi une Mobicard de 10 euros? Ben, parce que... Oui, bien sûr, oui. Mais ce choix que vous avez fait, en pleine possession de vos moyens, ne pensez-vous pas qu'il soit la conclusion logique d'une réflexion sur vos besoins d'utilisation de la parole ? Que vous parliez un peu, que vous parliez beaucoup, il y a forcément une recharge qui vous ressemble dans la nouvelle gamme Mobicart. Nouvelle gamme Mobicart, un choix de 10 recharges de 10 à 100 euros. Et de 21h à 8h du matin, ainsi que tout le week-end, la minute vous coûte jusqu'à deux fois moins cher. Orange. Orange de France Télécom. Conditions au 0800 830 800. Dernière nouvelle, il y a un nouveau Danone recette crémeuse aux fruits dorés. Ah oui? Mais c'est quoi ton yaourt aux fruits dorés? Une savoureuse recette avec des fruits rouges et un goût de sablé. Écoute ça. Danone recette crémeuse présente ses fruits dorés. Ah oui, c'est bon. De délicieux fruits rouges, délicatement sablés. Bah non, c'est très très bon. Un yaourt onctueux pour les sublimer. Dis donc, t'as raison, le petit côté sablé plus le yaourt onctueux. C'est-à-dire que ça sublime les fruits rouges. Nouveau Danone recette crémeuse avec ses fruits rouges sablés. Pour moi, probablement le meilleur yaourt aux fruits. Nostalgie 17h. Nostalgie Info, Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Michel, bonjour à tous. L'incendie de la commune de Lucérame dans les Alpes-Maritimes, toujours très actif. L'affaire Marie Trintignant, la juge d'instruction française, partira en Lituanie la semaine prochaine. Le temps demain, les températures vont encore augmenter. Mais on commence par la canicule et ses conséquences sur la production d'électricité en France. Depuis plusieurs jours, les centrales nucléaires et thermiques tournent au ralenti car il est plus difficile de les refroidir. Un comité interministériel était réuni à Matignon toute la journée pour évaluer les risques de pénurie de courant. Et le gouvernement a pris la décision de donner des dérogations sur les températures maximales autorisées dans les centrales électriques. En clair, les centrales vont pouvoir chauffer un peu plus que ce qui est autorisé en temps normal et ce afin de produire suffisamment d'électricité. Car on consomme davantage d'électricité cet été que l'année dernière, en raison par exemple des climatisations qui fonctionnent davantage. Par ailleurs, le gouvernement lance un appel au civisme des Français pour réduire au maximum les consommations de courant. Chaleur plus sécheresse sont également des facteurs qui attisent les flammes. Autour de la commune de Lucérame dans les Alpes-Maritimes, ce sont maintenant 2000 hectares de végétation qui ont été détruits depuis une semaine. L'un des foyers du feu reste particulièrement actif aujourd'hui selon les pompiers. 450 pompiers sont déployés dans le secteur pour combattre l'incendie. Et puis pour prévenir ces incendies, l'interdiction de circuler et de stationner dans les massifs du Vaucluse est prolongée jusqu'à dimanche. Parmi les massifs concernés figurent le Mont Ventoux et le massif du Luberon. En Espagne, cette fois, les incendies qui ravagent une forêt de la Catalogne s'avèrent meurtriers. 5 membres d'une même famille ont péri asphyxiés par les fumées aujourd'hui. Ce feu s'est déclaré hier après-midi et a déjà détruit plus de 1300 hectares de forêt. L'affaire Marie Trintignant, la juge d'instruction parisienne chargée de l'enquête sur la mort de Marie Trintignant, va se rendre en Lituanie lundi prochain. Elle notifiera au chanteur Bertrand Cantat sa mise en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par ailleurs, le parquet de Paris devrait transmettre aux autorités judiciaires lituaniennes des documents du volet français de l'enquête, notamment les conclusions de l'autopsie pratiquée sur la comédienne. Je vous rappelle que Marie Trintignant est décédée le 1er août d'un œdème cérébral à la suite de coups violents portés au visage. Un mot de la météo pour demain et une mauvaise nouvelle. Météo France prévoit des températures en légère hausse, jusqu'à 41 degrés par exemple en vallée du Rhône et en Provence, sous abri bien sûr. Maigre consolation, le soleil devrait être présent dans le ciel de toutes les régions. Nostalgie 17h02, vous êtes avec Michel Cottet. Merci Jean-Baptiste, à tout à l'heure 18h pour d'autres infos. Dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes,

il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, c'était Charles Aznavour sur Nostalgie. Alors, peut-être êtes-vous en vacances ou habitez-vous la belle région, une très belle région, c'est celle de l'Hérault, le bord de la Méditerranée. Ne manquez pas l'été française des Jeux, ce sera à Valras-Plage demain soir. Alors, il y a bien sûr dans l'après-midi les jeux de plage, les tournois de volley, bien évidemment. Et puis, il y a le grand jeu, le quiz Success Legend de 20h45 à 21h15 avec de très très beaux cadeaux. Il y a les voix de la chance, le tremplin des nouveaux talents et le spectacle Le Rêve Fantastique. C'est demain à Valras-Plage. Ne manquez pas donc cet été française des Jeux à Valras-Plage où on écoute Nostalgie sur 100.7. Nostalgie présente Bob Dylan, la voix légendaire de la musique folk américaine, pour un concert unique le jeudi 13 novembre au Zénith de Paris. Bob Dylan, le concert événement de la rentrée 2003. Location point de vente habituel au 0892 707 507, 0,34€ la minute. Bob Dylan à Paris, un événement nostalgique. Leclerc, bonjour. Philippe, le chien de maman se gratte. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Oh, t'es pas sympa. Leclerc, bonjour. Mademoiselle, qu'est-ce que je dois faire? Le chien de maman se gratte. Ne quittez pas, je vous mets en relation avec notre spécialiste animaux. Madame, votre chien a joué dans le sable. Il s'est probablement baigné dans l'eau de mer. Alors pensez à le doucher à l'eau douce. Philippe, le chien de maman, il ne se gratte plus. Ouais, tiens, là, tu peux me gratter le dos, s'il te plaît? Je ne gratte rien du tout. Merci. Les 11 et 12 août, vous pouvez contacter notre conseiller pour animaux du magazine 30 millions d'amis sur Allo Leclerc au 0810 870 870, prix d'un appel local depuis un poste fixe. Internet haut débit. Free vous propose l'internet haut débit à moins de 30€ par mois, modem inclus. Contrairement aux autres offres, Free vous garantit un haut débit 4 fois plus rapide que celui des autres offres au même prix. Aucun frais d'entrée ou de mise en service et aucun engagement de durée. Avant de vous engager, comparez et vous choisirez Free très certainement. Free.fr, le fournisseur d'accès le moins cher du marché. Le véritable haut débit à 29,99€, c'est sur www.free.fr. Écoutez Nostalgie et entrez dans la légende de Charles Aznavour. La nostalgie, c'est le regret des choses qui ne sont plus. Finalement, la nostalgie, c'est aussi beaucoup se plaindre un petit peu en disant « Oh, je ne vois plus un tel, je ne fais plus ceci, etc. etc. » C'est vrai que c'est une sorte de fausse tristesse. En tout cas, une tristesse qui touche, qui caresse. C'est une tristesse caressante, la nostalgie. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes amers. Les plus belles chansons de Charles Aznavour sont sur Nostalgie.

sur le lieu mythique du mouvement hippie, San Francisco, Scott McKenzie sur Nostalgie. If you're going to San Francisco, pas la pluie, c'est lui. T'aimes bien Lily, bien que je sois pas le seul à qui tu dises oui. Lily, Lily, Lily. Je t'aime bien Lily, quand on est tous les deux la nuit. Je t'aime bien Lily, je t'aime bien au lit, je t'aime bien au lit aussi. Tu es le oui du mot désir, du mot envie. Et c'est pour ça que je reste là, que je reste ici. Lily. C'était Michel Polnareff, un petit message pour tous les internautes qui viennent sur notre site. Sachez que la plupart des titres diffusés sont désormais téléchargeables sur nostalgie.fr. Nostalgie 18h. Nostalgie Info, Jean-Baptiste Urbain. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Les obsèques de la jeune Audrey ont eu lieu cet après-midi à l'île de Ré. La canicule et ses conséquences, la mortalité en hausse de 20% la semaine dernière en France. La météo, oui c'est possible, il fera encore plus chaud demain. C'est en présence de 1200 personnes, des habitants de l'île de Ré, mais aussi des vacanciers, que se sont déroulées cet après-midi les obsèques d'Audrey, cette jeune adolescente de 16 ans, violée et tuée mercredi dernier sur un chemin de Saint-Martin en Ré. Au moment où avait lieu la cérémonie, les commerçants de la commune ont gardé leur rideau de fer baissé en signe de deuil et pour témoigner de leur sympathie à l'égard de la famille. En ce qui concerne l'avancée de l'enquête, les gendarmes vérifient un à un les témoignages enregistrés après la diffusion du portrait robot du suspect. Les gendarmes qui continuent également de filtrer tous les véhicules qui quittent l'île pour gagner le continent. L'affaire Marie Trintignant, la juge d'instruction parisienne chargée de l'enquête sur la mort de la comédienne, va se rendre en Lituanie lundi prochain. Elle notifiera à Bertrand Cantat sa mise en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le chanteur soupçonné d'avoir porté des coups violents au visage de sa compagne est en détention provisoire jusqu'au 15 octobre à la prison de Vilnius en Lituanie. Les conséquences de la canicule s'avèrent de plus en plus inquiétantes, voire même dramatiques. Les pompes funèbres générales ont constaté la semaine dernière une augmentation de 20% du nombre de décès en France. Ce sont les personnes âgées qui sont de loin les plus touchées. Rien que dans une maison de retraite de l'Essonne, 5 pensionnaires de plus de 80 ans sont décédés la semaine dernière en raison d'insuffisance respiratoire ou cardiaque due à la chaleur. Les médecins font appel à la vigilance de tous ceux qui connaissent des personnes âgées seules. Il faut leur rappeler de s'hydrater très régulièrement. Et puis les services d'urgence sont totalement saturés en Île-de-France. La fréquentation des urgences a augmenté de 100% depuis une semaine par rapport à l'été dernier. À Orléans, le centre hospitalier régional a dû faire appel à l'armée hier, ainsi qu'à des cliniques privées pour trouver des lits à tous les patients admis. Le temps pour demain, du soleil partout, certes, mais aussi une chaleur accablante, selon les mots même de Météo France. Les températures ont l'audace de légèrement augmenter pour demain. Il fera par exemple 28 degrés dès l'aube à Perpignan. Dans l'après-midi, comptez de 24 à 39 degrés du nord au sud et même 41 degrés à l'intérieur des terres provençales. 18h02 sur Nostalgie, Michel Côté est avec vous. Merci Jean-Baptiste, les prochaines infos, c'est à 19h.

Ça, c'est une sorte d'hymne de référence du début des 60s. Apache, The Shadows sur Nostalgie. Nostalgie, partenaire de la Française des Jeux. Partez en vacances avec la chance jusqu'au 15 août du Touquet à Nice. L'été Française des Jeux, c'est des tournois de foot et de volley sur la plage. Des jeux, des cadeaux par milliers et tous les soirs, le grand quiz Success Légende Nostalgie. Les voix de la chance, un tremplin de nouveaux talents suivi d'un grand spectacle gratuit, le rêve fantastique. L'été Française des Jeux avec Citroën et Nostalgie. Frais, encore plus frais, vraiment plus frais. La nouvelle génération de réfrigérateurs ne manque pas de fraîcheur. Chez Darty, découvrez le froid ventilé qui met fin aux soucis de dégivrage. La super isolation qui économise jusqu'à 50% d'énergie. Les distributeurs automatiques de glaçons, de boissons et une multitude de formes et de couleurs plus fraîches que jamais. Chez Darty, découvrez le plus grand choix de réfrigérateurs, du plus simple au plus perfectionné. Offrez-vous le meilleur du froid à moindre frais avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty. Qu'as-tu, Julia ? Tu es décomposée. Jason veut m'enlever la garde de Pamela. C'est terrible. Mais il ne peut pas, tu es sa mère. John, sache qu'il possède un film compromettant sur mon passé. Mais qui lui a donné ? 01 73 50 62 22. Alors dur. 36 17 à nu, vous avez le numéro ? Vous retrouverez le nom et par téléphone au 32 17. 36 17, 84,3 centimes la minute, 32 17, 1,349 euros par appel, puis 33,7 centimes la minute. Édité par l'IAD. Mike Brandt, le DVD événement. Laisse-moi t'aimer, ses amours, sa musique, son destin tragique. Un film inédit exceptionnel. Laisse-moi t'aimer, tout Mike Brandt en DVD. Et aussi Laisse-moi t'aimer, toutes les chansons de Mike Brandt en double CD. L'ombre du corbeau plane toujours et le destin s'acharne sur les soubérants. Quelqu'un en a après moi et après ma famille. Qu'est-ce qu'il a fouiné comme ça? Mais c'est pas possible, tout a été dit il y a 7 ans de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut trouver, lui? Alors fous-lui la paix, bordel, maintenant c'est ma femme. Personne n'est à personne, mon pote. Toutes les familles ont leurs secrets. Un été de canicule, votre saga, ce soir sur France 2. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.

She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Entre deux inconnus qui

my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Cat Stevens sur Nostalgie, excellent début de soirée. En anglais, Michel. Mais alors, je me suis entraîné pendant les vacances. Salut Fred, tu vas bien? Ça va bien, Michel. Voilà, je vais vous laisser donc avec Frédéric pour le 100% légende française, pour les dédicaces. Enfin, une soirée inoubliable sur Nostalgie. Merci Michel, 19h. Nostalgie Info, Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste Urbain. Bonsoir à tous. L'incendie des Cévennes en Lozère progresse plus lentement désormais. Les personnes âgées, victimes les plus touchées par la chaleur. Le temps pour demain, les températures vont encore augmenter. On commence donc par faire le point sur les incendies en France. En Lozère, tout d'abord, le feu qui s'est déclaré hier après-midi près du parc national des Cévennes progresse désormais plus lentement. Il a brûlé près de 1000 hectares de végétation en 24 heures. Par mesure de précaution, des dizaines de hameaux ont été évacués. 600 pompiers sont toujours sur le terrain pour venir à bout du sinistre. Dans les Alpes-Maritimes, en revanche, le feu autour de la commune de Lucéram ne faiblit pas depuis une semaine. Il est toujours très actif aujourd'hui. Il a, lui, détruit 2000 hectares de forêt. Et puis, pour prévenir ces incendies, l'interdiction de circuler et de stationner dans les massifs du Vaucluse est prolongée jusqu'à dimanche. Parmi les massifs concernés figurent le Mont Ventoux et le massif du Luberon. La canicule prend un visage très inquiétant pour la santé publique. On a enregistré 20% de mortalité en plus la semaine dernière. Les personnes âgées sont les premières victimes du climat caniculaire. Ce week-end, une vingtaine de personnes très âgées sont décédées à l'hôpital Saint-André de Bordeaux pour des causes directement ou indirectement liées à la canicule. Les services d'urgence saturent, leur fréquentation a augmenté de 100% depuis une semaine en Île-de-France. L'affaire Marie Trintignant, la juge d'instruction parisienne chargée de l'enquête sur la mort de la comédienne, va se rendre en Lituanie lundi prochain. Elle notifiera au chanteur Bertrand Cantat sa mise en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par ailleurs, le parquet de Paris devra transmettre aux autorités judiciaires lituaniennes des documents du volet français de l'enquête, notamment les conclusions sur l'autopsie pratiquée sur la comédienne.

Viens, je t'emmène, c'est France Gall dans le 100% légende française sur Nostalgie. Il me semble même pas que je vous ai souhaité le bonsoir chez vous. C'est Frédéric Feder. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Allez hop, on continue avec la famille Gall qui décidément est une famille de musiciens. Hein. Le papa qui a composé La Mama pour Charles Aznavour. Et puis alors, le grand-père de la famille Gall. Savez-vous qui était le grand-père outre un musicien? Eh bien le grand-père, il fut à l'origine de la cofondation des petits chanteurs à la Croix de Bois. Eh ben oui madame. France Gall, j'ai pas le souvenir qu'elle y ait participé aux petits chanteurs à la Croix de Bois. En revanche, ce que je sais, c'est que Jean Ferrat a souvent fait appel à eux dans toutes ses chansons. Et avec nous, sur Nostalgie, dans quelques minutes, nous aimerons à perdre la raison. Voilà ce qui va se passer dans les minutes qui viennent, rien que pour vous dans le 100% légende française sur Nostalgie. Nostalgie présente. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Gérard Lenormand tourné dans plus de 30 villes de France. Oui, mais il m'a... Retrouvez sur scène les plus grands succès de Gérard Lenormand. Je viens de chanter la balade. La tournée Impérial Show de Gérard Lenormand. Renseignements sur nostalgie.fr et au 0892 68 05 05.